Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo, anciennement Radio Trait d'Union. Hein. L'émission de ce soir, eh bien, c'est Mosaïque. Alors, au programme, nous sommes déjà la nuit du 4 août. Hein, la nuit du 4 août. C'est une journée mémorable, disait je ne sais plus qui. Alors, le programme de ce soir, eh bien, Jean-Luc Mélenchon, propos d'Emmanuel Macron. Hein. Emmanuel Macron, il y a des gens qui ont voté pour lui. Hein. Vous arrivez à comprendre ça, vous, que des gens aient voté pour Emmanuel Macron? Moi, je n'ai toujours pas compris. Enfin. Pierre Desproges, le QI 130. De Sainte-Soline à Bure, Loïc, voyage au cœur de la violence judiciaire. La violence judiciaire. Jean-Luc Mélenchon, discours de Rochesson. Jean-Luc Mélenchon, Rochesson, tentative d'assassinat. Nous réclamons justice. Nous réclamons justice. Le 4 août 1789, le jour où les privilèges sont abolis, à la demande du vicomte de Noailles. Vous vous rendez compte, il y avait même des nobles qui étaient révolutionnaires. Eh oui. Il y a des gens, et il paraît que Louis XVI, il applaudit aux propositions qui ont été faites par les révolutionnaires à ce moment-là. Oui, puis après, son entourage l'a repris en main, puis il a persuadé qu'il fallait qu'il soit réactionnaire et pas progressiste. Oui. Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789. Et puis une petite revue de presse, voilà, ce sera tout pour ce soir. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprise. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël. Bonjour, je m'adresse à vous après que le président de la République se soit exprimé à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. J'ai, comme beaucoup d'autres, été consterné par son silence, puis par les mots qu'il a utilisés pour qualifier la situation qui résulte de l'état de sédition dans lequel s'est placée une partie de la police nationale. C'est à ce sujet que je veux m'exprimer pour vous demander, à vous qui m'écoutez à cet instant, avant tout, de ne pas sous-estimer la gravité de la situation. Elle a les apparences d'une protestation corporative contre une décision qui ne convient pas à ceux qui en font l'objet et aux corps professionnels qui se sentent concernés. Mais ce qui compte dans cette affaire, ce n'est pas le droit normal, légitime, dans une démocratie, de donner son avis sur tous les sujets, y compris sur les décisions de justice. C'est que pour que la démocratie et la République fonctionnent, il faut qu'à un certain nombre de points sensibles, l'équilibre soit respecté, le cadre soit absolument clair et respecté. Le cadre, c'est que la police est un ensemble de fonctionnaires à qui l'État a délégué un certain nombre de missions d'autorité. Rien de plus. La justice, par contre, est une autorité dans l'État. Et par conséquent, de cela, il résulte, pour au moins trois composantes, un devoir de réserve. Première composante, la police elle-même. La police ne peut pas donner son avis sur la justice et encore moins faire pression sur elle. Deuxièmement, le président de la République, qui est le garant de l'indépendance de la justice, se doit d'intervenir pour la protéger quand elle est mise en cause. Et c'est le cas aujourd'hui. Des exemples de cette nature où la loi, en définitive, organise des limites à la liberté, et les limites qu'il organise sont les conditions de la liberté elle-même. Autrement dit, la liberté ne vaut que par les conditions qu'il organise. Si on admet que certains corps de l'État puissent aller contre les autres, alors les corporations entre elles pourraient être comme ça abandonnées à je ne sais quelle compétition, les uns contre les autres. Il ne peut pas être question de ça. Même si on a des raisons, ici, là, sur tel ou tel cas, de ne pas être satisfait d'une décision de justice, on a le droit de le dire, ce droit n'est pas étendu à certains dans le pays. Parce que sinon, il n'y a plus de justice ni d'ordre républicain possible. Et c'est ça qui est en train d'être violé. Et ça l'est non seulement par les paroles très dures que l'on a entendues de la part de policiers contre la justice, mais ça l'est également par le moyen d'action choisi. Alors donc, si l'on revient à la cause, et pas aux commentaires sur les effets, la cause, nous avons une situation qui a été définie comme pouvant être très délictueuse par la justice. Quelle situation ? Un homme qui passait là par hasard a été traité d'une telle manière qu'on l'a laissé comme mort, et qui a depuis été heureusement tiré d'affaire, mais a fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 60 jours. C'est donc des actes extrêmement graves qui se sont déroulés là. Et là-dessus, la corporation décide, les policiers, de se mettre en arrêt de travail. L'arrêt de travail n'est pas une mesure syndicale, une action syndicale. C'est une décision qui est prise, qui occasionne le paiement des jours concernés par la sécurité sociale. Et la condition pour un arrêt de travail, c'est qu'il doit être justifié, notamment quand on prétend être malade. C'est donc un moyen illégal, car il n'est pas vrai que 400 personnes soient tombées malades du jour au lendemain en même temps et en réponse à l'appel d'une organisation. C'est donc un moyen illégal qui a été choisi. La forme, les paroles, le moyen, tout est illégal. Et quand on interroge le chef de l'État, nous tous, on compte sur lui pour mettre le holà. C'est dit nous tous, qu'on soit de la majorité gouvernementale, qu'on soit de la majorité de l'opposition, peu importe. Tous, nous comptons sur lui, parce que c'est son boulot, pour rétablir l'ordre républicain, remettre chacun à sa place. Un journaliste l'interroge donc et lui demande ce qu'il pense de cette situation. Et il répond « Je n'ai pas à commenter les déclarations du directeur de la police nationale. Pourquoi » Pourquoi? Parce que cette intervention s'exprime à propos d'une décision de justice, et la justice est indépendante, ben précisément, puisque la justice doit être indépendante, le président de la République en est le garant, et c'est à lui de donner à la justice les garanties en condamnant des propos qui ne sont pas acceptables. Et je ne crois pas que ce soit jeter de l'huile sur le feu que de le dire. C'est tout le contraire. Tous ceux qui veulent l'apaisement doivent savoir qu'on n'apaisera rien nulle part, en aucune circonstance, si on ne traite pas la cause. La cause des révoltes urbaines, c'est au nom d'un refus d'obtempérer qui s'est avéré ensuite être un mensonge. Un jeune homme de 17 ans a été abattu de sang-froid. Dans chacun de ces cas, il n'y a pas eu jamais une parole du chef de l'État ou du ministre pour manifester de la compassion et surtout pour prendre les sanctions qu'à l'évidence impose la situation, puisque dans chacun de ces cas, il est avéré que le rapport de situation qui a été fait est mensonger. Enfin, 3 ans après leur mise en examen, les policiers impliqués dans la mort de M. Cédric Chouviat n'ont toujours pas été jugés. Il existe donc comme première cause des événements que nous avons vus pendant les révoltes urbaines, ensuite et à cette heure, quelque chose de commun. C'est que tous les débordements ont été autorisés par le silence complice des autorités de l'État. Et c'est à cela qu'il faut répondre. Pas un instant, le président de la République n'y fait référence. Il abandonne son devoir de garant de l'indépendance de la justice. Il abandonne son devoir qui est de maintenir l'ordre républicain dans la police. Voilà les raisons pour lesquelles je veux une nouvelle fois, au nom de mes amis, lancer l'alerte. Quand il n'y a pas eu de réaction contre les manifestations de policiers devant le siège de notre organisation, quand il n'y a pas eu de sanctions prises après les propos tenus contre la justice par la manifestation de policiers devant l'Assemblée nationale, quand il n'y a pas eu de sanctions ni de remarques après les tirs en cas de refus d'obtempérer qui ont fait faire un bond au nombre de morts par an, tel que nous en avons eu 21 dans notre pays, quand en même temps, au cours des 10 dernières années, il y en avait un en Allemagne, notre voisin. Quand il n'y a eu aucun jugement, comme je l'ai dit dans l'affaire Chouviat, quand il n'y a jamais eu de réaction, à chaque fois, l'étape suivante, ça a été pire. Ceux qui étaient allés jusqu'ici sont ensuite allés plus loin. Et si cette fois-ci, il ne se passe rien, s'il n'y a pas de sanctions, comme c'est normal qu'il y en ait, alors, ils iront plus loin. C'est, en m'exprimant de cette manière, une tradition républicaine qui s'exprime devant vous. Ce n'est pas une invention de ma part, à cet instant. Cette attitude a été celle qui a commandé les décisions du Premier ministre Pierre Mauroy et de François Mitterrand quand il était président de la République. Une manifestation avait eu lieu devant le siège de la police, place Beauvau, à une portée à 50 mètres de la porte d'entrée de l'Élysée pour exiger la démission du ministre Badinter, ministre de la Justice à ce moment-là. La réplique avait été sérieuse. Le directeur de la police nationale avait été mis à pied et une série de gens ont eu à répondre de leurs actes en étant expulsés de la police. Bien sûr, tout le monde regrettait qu'on en soit arrivé là. Comme aujourd'hui, personne n'a envie que la situation empire. Mais quand on ne sait pas l'arrêter, il est normal qu'ensuite elle empire. Voyez-vous, les alertes, nous les avons lancées je ne sais combien de fois. J'ai même dû à plusieurs reprises, pour ma part, monter le ton de manière à ce qu'on m'entende, car sinon on n'entendait pas, semble-t-il. Nos propos ont été utilisés de manière politicienne pour engager contre nous des semaines de propagande sur un mot, pour nous flétrir. Et, du coup, en même temps, protéger les responsables de la situation que nous dénoncions. C'est exactement ce qui s'est passé après les 5 jours de révolte urbaine. Et le président de la République, pas une fois, n'a traité de la cause initiale, c'est-à-dire la mort de Naël. Et encore, tout à l'heure, depuis Nouméa, il n'a pas eu un mot pour la victime, pas un mot pour sa famille, qui, dans toute hypothèse, est innocente de cette situation. Voilà pourquoi cette situation est condamnée à empirer, à s'aggraver et à franchir de nouveaux seuils si des sanctions ne sont pas prises. Vous aurez un bon test pour voir où nous en sommes. Je pense pour ma part que, depuis la base et dans le cadre d'une organisation qui se dit syndicale, il y a une poussée factieuse, un sentiment d'impunité qui s'est répandu et qui utilise tous les moyens pour faire peur. Là encore, il y a, d'après un journaliste, sur une boucle de messagerie, des appels à aller chez le magistrat qui a pris la décision de détention provisoire. Il y a donc de la peur. Et cette peur, progressivement, est remontée à travers tous les étages. La hiérarchie n'a plus rien à dire et ne condamne aucun propos. Le ministre a disparu et le président de la République, quand on l'interroge, peureusement, dit « je n'ai pas à commenter ». Si, c'est son devoir, pas de commenter, mais de prendre une décision. Parce que ce qui s'est passé est inacceptable. Ce qui s'est passé n'est pas accepté, nous l'avons vu. Mais essayons de savoir pourquoi le juge a pris cette décision. On ne peut pas tout savoir. Alors on nous dit, j'ai vu ça dans des tweets des députés macronistes, il y a des alternatives à la prison. Ben bien sûr que nous le savons. Et d'ailleurs, nous ne cessons de le réclamer, notamment pour les jeunes gens qui ont été condamnés à de la prison ferme après les révoltes urbaines et dont l'avenir est foudroyé par ces journées-là. Donc nous le savons. Mais les peines alternatives à la prison, c'est des peines. Là, il ne s'agit pas de peines. Il s'agit soit de garde à vue, soit de détention provisoire. La détention provisoire. Quels sont les motifs de la détention provisoire? Ça peut être parce que si vous ne mettez pas la personne en détention provisoire, elle risque de continuer à avoir des actes répréhensibles. Bon, pas le cas là dans l'affaire qui nous occupe. Quelles sont donc les deux raisons pour lesquelles on peut décider de la détention provisoire, en plus de celles que je viens de citer? Cela a été établi par un journaliste. Premièrement, le risque de faire pression sur la victime. Deuxièmement, la possibilité pour les personnes mises en cause de se concerter et d'harmoniser leur récit de manière frauduleuse. Le juge a-t-il des raisons de penser que c'est possible? Ben oui, puisque précisément le rapport qui avait été fait sur cette situation était faux, puisque précisément le rapport qui a été fait sur le meurtre de Naël était également faux, etc., etc. Donc on peut comprendre que dans le cadre de son travail, il ait voulu faire face à un risque. Rien de plus. Et cela ne peut pas, ne doit pas permettre que l'on utilise des moyens illégaux d'action, plus des menaces sur les juges. J'achève en vous disant qu'au cours des dernières semaines, beaucoup d'entre nous ont été choqués par cette manière du pouvoir, du gouvernement, de la minorité macroniste de l'Assemblée nationale, pour un oui, pour un non, de décider qui est dans un prétendu arc républicain et qui ne s'y trouverait pas. Et voilà le moyen qui a été trouvé pour nous montrer du doigt, nous placer en dehors de cet arc, nous, les insoumis, et parfois la NUPES tout entière. Bien sûr, cet arc n'a de républicain que le nom, mais tel qu'il est, nous n'avons pas envie d'y être. Parce que c'est un rassemblement de menteurs, de gens qui couvrent toutes les exactions, qui abandonnent la vérité des règles de fonctionnement républicaines au bon vouloir d'un corps de fonctionnaires. Nous n'avons pas envie d'être là-dedans. Nous restons sur la ligne justice, vérité. Et c'est à ce prix qu'il y a une vie commune, justice, vérité, démocratie, république. Ça, c'est le vrai arc républicain. Il doit être clair que la situation est grave. Que si rien n'est fait, ce sera pire la prochaine fois. C'est pourquoi nous demandons des sanctions. Si les sanctions ne sont pas prises par le chef de l'État ou par le ministre ou par la première ministre, alors la justice elle-même peut se saisir de la situation. Et nous verrons alors si, en effet, elle peut prendre des décisions sans être aussitôt menacée et intimidée. Et si elle ne les prend pas, on devra alors s'en inquiéter. Car nous recevrons de cette manière un signal. C'est une situation grave. Nous ne voulons pas qu'elle soit encore plus grave demain. Il faut que la raison revienne. Et pour cela, que les décisions soient prises qui impliquent les causes et non les effets, si l'on ne veut pas que ces effets se reproduisent et s'aggravent. Les sanctions que nous demandons sont la garantie de l'équilibre du fonctionnement de la République, et donc de la défense de notre liberté. Entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. allez au couteau, tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nous tous et la faim qui nous pousse, la misère. Il est des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. C'est quand même vrai que je suis pas n'importe qui. Hein. J'ai un quotient intellectuel de 130. Ça signifie que je suis doué d'une intelligence absolument exceptionnelle. Et c'est important, l'intelligence. L'intelligence, c'est le seul outil qui permettent à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. L'intelligence, c'est comme les parachutes, hein. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Hein. 130, vous vous rendez compte, c'est considérable. Et le plus drôle, c'est que je m'en suis aperçu tout à fait par hasard, en passant des tests professionnels. Oui, je voulais quitter ce glorieux métier de la scène pour lequel je suis si peu doué. Et je voulais devenir cadre à la SNCF. Oui, oui. Cesser de lutter pour les feux de la rampe et céder enfin à l'appel du rail. Ne plus mépriser cette voix qui me poussait au train. À quoi bon, me disais-je, faire un bras d'honneur au chemin de fer quand on perd son bras de fer sur les chemins de l'honneur? J'ai fait le test, résultat 130. Et croyez-moi, les questions n'étaient pas évidentes. Même chez les nantis, je suis pas sûr. Généralement, les nantis sont moins cons que les pauvres, mais... Tenez-vous, jolie madame. Vous faites un petit 110, vous. Hein? Moins? Ouais, moi, je dirais 80, 60, 90, c'est ça? Hein? Non? Non, mais essayez de me répondre à une question de ce test, vous allez voir. Je vous donne 4 mots, cherchez l'intrus. Vous connaissez le principe? Bon, ne faites pas chier les autres. Écoutez bien. Métastase, chimiothérapie, Schwarzenberg, avenir. Elle est bête. Ouais. Je l'ai dit trop vite, hein, c'est ça. Bon. Bah, je vous pose une question de rattrapage moins vite, ok? Je vous donne encore 4 mots, c'est plus facile. 4 prénoms, en l'occurrence. Hein? Parmi ces 4 prénoms, un seul n'est pas ridicule. Ok? Bernard-Henri, Jean Ederne, Pierre, Rika. Hein? Mais non, pas Rika, elle est bête! Tant pis pour nous deux, c'est mal barré. Hein. Je ne fréquente plus que des 130 alors. Ah oui, en dessous de 130, c'est pas des gens comme nous. Je suis désolé, je suis pas raciste, mais je donnerai pas ma fille à 115. Nous formons un club très fermé, que des 130. Giscard vient. Fabius vient. Pasqua aimerait bien venir. Bon, notez qu'avec un petit QI de 510, on n'est pas complètement démunis. Hein. Il est à la portée du premier plombier venu de comprendre qu'un kilo de plomb pèse exactement le même poids qu'un kilo de plume. Hein? Oui, à peu près, mais enfin... Alors qu'avec un QI de moins de 130, je suis sûr que vous n'êtes pas foutu de m'expliquer pourquoi. Quand je bande, je pèse exactement le même poids que quand je bande pas. Ça vous embouche un coin, hein? Non, c'est une image, là, c'est une image. Et non seulement je pèse le même poids, mais je ne change pas non plus de volume. On croit rêver. Mais faites l'expérience au lieu de ricaner comme des baleines. Faites l'expérience. Non, pas maintenant. Chez vous. Hein? Vous remplissez votre baignoire. Entrez dans la baignoire. Sans bander, attention, sans bander. Oui, il y a un effort d'imagination à fournir, je sais pas moi. Imaginez que vous mangez des moules mayonnaise tièdes dans un restaurant d'autoroute français en compagnie de Jean-Claude Bourret qui vous explique les montants compensatoires. Bon, alors vous repérez bien votre niveau d'eau. Et maintenant, bandez ! Ah ben là encore, il y a un effort d'imagination à faire. Je sais pas, imaginez... une route de Haute-Provence en juin, les cigales, une petite route, le groupe Indochine fait de la moto sans casque, et un gros camion qui arrive, et boum! C'est toujours les meilleurs qui seront les premiers. Bon, alors, dans cet état d'érection insupportable, vous voici rendu. Repérez de nouveau votre niveau d'eau. Eh bien, mes enfants, il n'a pas bougé d'un millimètre. Cessez de péter quand je parle. Surtout quand je donne un cours de mathématiques appliquées. Le niveau d'eau n'ayant pas bougé d'un millimètre, on en déduit le théorème d'Archimède. Le théorème d'Archimède. Quand on plonge un corps dans une baignoire, qu'est-ce qui se passe, bande de cons ? Non, quand on plonge un corps dans une baignoire, le téléphone sonne. C'est curieux, mais malgré mon QI de 130, ils n'ont pas voulu me confier de poste-clé à la SNCF. Ils ont dû estimer que j'avais un comportement de pensée ferroviaire incompatible avec les prises de position du 25e congrès. Tant pis, je continuerai sans eux, sur les traces d'Einstein et de Sakharov. Einstein, Dieu ait son âme, et moi-même, Dieu lâche la mienne, avions un point commun. Lui aussi avait un quotient intellectuel de 130. Et Andrei Sakharov a un quotient intellectuel de 140. Alors qu'il ne sait même pas qui est premier cette semaine au top 50. Monsieur le Président, je prends la plume aujourd'hui, comme l'ont fait Boris Vian. Et Renaud après lui, j'ai l'espoir qu'une lettre sera peut-être lue. Quand le bruit sous vos fenêtres, vous ne l'entendez plus, monsieur le président. Seriez-vous dur d'oreille pour bafouer si longtemps un boucan sans pareil? C'est le peuple qui gronde, qui occupe vos boulevards, pendant que la bête immonde

Je précise qu'aujourd'hui, à Sainte-Soline, il n'y a rien à détruire. Elle n'est pas construite, cette bassine. Donc, il y a un trou. Et donc, est-ce qu'il faut venir faire venir 3200 gendarmes, 13 hélicoptères et le GIGN pour défendre un trou? Je n'en suis pas sûre. Après les affrontements survenus ce jour-là, une enquête préliminaire est conduite par les gendarmes de la section de recherche de Poitiers. Deux des cinq interpellés sont déférés en comparution immédiate. Le premier, âgé de 42 ans, est poursuivi pour avoir jeté des pierres sur les gendarmes. Il est condamné à 10 mois de prison et écroué dans la foulée. Le second refuse la comparution immédiate et se trouve en détention provisoire. Tu étais à Sainte-Soline ? Oui, j'étais aux deux dernières manifestations méga-bassines. Cette personne, bien connue à Blast, c'est Loïc Schneider, un maraîcher de 27 ans, poète à 16 heures, qui est de toutes les luttes sociales et écologistes, de toutes les ZAD, de tous les mouvements anticapitalistes, bien qu'ils n'appartiennent à aucun d'entre eux. C'était particulièrement violent. Moi, j'avais fait aussi les expulsions de la ZAD en 2018, à Notre-Dame-des-Landes, et c'était quand même beaucoup plus intense, au niveau grenade et explosion. C'était vraiment une sensation de guerre, quoi. Enfin, ça pète de partout. Et surtout, la distance, quoi. C'était, ils envoyaient ça vraiment loin, ça pétait en plein milieu des personnes. Et la BRAVEM avec motorisé sur les quads là, ça c'était aussi complètement exceptionnel. C'est des gens juste qui veulent gazer là où ils peuvent, foncer dans le tas, tirer au LBD quand ils roulent. Il y avait vraiment des scènes démesurées et en fait ça a fait monter la pression aussi. Très rapidement, les personnes étaient très très en colère quoi. Et il y a eu une détermination dans un premier temps face à la violence de l'État d'y aller, de crier malgré les blessés aussi donner une force supplémentaire aux personnes pour y aller. Et en fait ça a failli déborder, ça a failli aller très très loin. Que peuvent-ils bien rechercher les gendarmes lors de leur perquisition chez Loïc ? Son avocat répond. Un moine et un lapin dans cette affaire. Donc c'est ça en fait. Hein, en réalité, quelqu'un qui était déguisé en lapin d'un côté, quelqu'un qui était déguisé en moine de l'autre. Vêtu d'une tenue de moine, le visage masqué, capuche sur la tête et cordelette autour de la taille, cet éco-activiste publie sur les réseaux sociaux des photos de lui face à des véhicules de gendarmerie en proie aux flammes et avec un drapeau au slogan anti-bassine. Sur un autre cliché, on le voit brandir un gilet floqué gendarmerie qu'il présente comme un nouveau trophée sur son compte Twitter. Alors, il y a trois faits qui lui sont reprochés. Le premier fait, c'est un groupement en vue de la préparation de dégradation ou de violence. Et à mon sens, il n'est pas caractérisé. D'ailleurs, si on veut commettre des violences ou des dégradations, moi, il me semble que la dernière tenue qu'on revêtirait, ce serait une bure de moine franciscain, puisque ça permet ni d'être discret, ni de courir vite, à mon avis. Loïc est également accusé de recel de biens provenant d'un vol et dégradation légère d'un bien. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Volé le gilet de la gendarmerie, en fait, il a été trouvé par terre. Il a pris ce gilet, le moine, hein, j'ai pas dit Loïc, hein, et il l'a exhibé auprès d'autres manifestants, donc c'est ça qu'on lui reproche. Et pour les dégradations, en fait, c'est le même fait, puisque le même moine aurait tagué sur une camionnette de gendarmerie les mots ACAB et Mud Wizard. Si la traduction de l'acronyme anglais ACAB est connue, il nous faut expliquer ce que signifie Mud Wizard, le mage de la boue en français. Quand il ne se définit pas comme le cauchemar des policiers qui détruisent la nature, c'est l'autre nom que se donne le moine sur son compte Twitter en référence à ses précédentes actions. Des actions qu'Europe 1 s'est empressé de rappeler quelques jours après la manifestation de Sainte-Soline, en semblant particulièrement attaché à citer les services de renseignement. Alors cet homme n'est pas vraiment un inconnu des renseignements, c'est une information que vous révèle Europe 1. Il faisait partie des 200 individus présents samedi et suivis de près par les services. Le moine de la ZAD, comme le surnomment les policiers, a déjà quelques coups d'éclat à son actif. Les coups d'éclat auxquels Europe 1 fait référence, c'est ici, lors de l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le 11 avril 2018. Un moine jette des seaux d'eau sur les gendarmes avant de brandir le tonfa que l'un d'eux a fait tomber. Et ici, le 14 janvier 2023, lors d'une énorme mobilisation contre l'extension d'une mine de charbon à ciel ouvert, à Lützerath, en Allemagne, un moine nargue les policiers embourbés jusqu'aux genoux. La scène est cocasse, mais elle n'a pas fait rire la police allemande qui a dépêché samedi dernier à Sainte-Soline un de ses agents chargé, entre autres, de repérer cet homme grimé en ermite. S'il est illégal de pousser un flic dans la boue, il est illégal et bien pire de frapper les gens sur la tête avec une matraque. Écrit sur Twitter le mage de la boue pour expliquer le geste qui l'a rendu célèbre. Après la vidéo virale de Lützerath, les costumes de moines ont fleuri dans les manifestations, notamment en Allemagne. Peut-être qu'une personne différente se cache sous la robe des moines de Notre-Dame-des-Landes, Lutzerat et Sainte-Soline. Peut-être qu'il n'y a pas un moine, mais des moines. La question, de toute façon, est futile. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on reproche, concrètement, factuellement, à ces moines. Quand on regarde de près, on se rend compte qu'il n'y a aucun fait criminel grave, dangereux, qu'on puisse reprocher à ces moines. Il y a eu tout un engouement médiatique là-dessus, parce que c'est peut-être spectaculaire, mais ça accrédite aussi le récit qui est le récit du pouvoir, et un récit qui est en contradiction flagrante avec la réalité. Par exemple, sur les événements de Sainte-Soline, là aussi, moi, si j'étais journaliste, je m'intéresserais au dernier rapport qui vient d'être déposé, publié par la LDH, que voici et que je suis en train d'éplucher, qui est très intéressant et très documenté sur ce qui s'est passé effectivement à Sainte-Soline. Et là aussi, ça permet de déconstruire complètement le récit policier ou le récit des gendarmes et du ministère pour savoir qui a déclenché les hostilités, comment ça s'est passé. Et qui a été victime des violences les plus graves. Aujourd'hui, le bilan est extrêmement lourd. Il y a 24 gendarmes blessés, 23 en urgence relative, 1 en urgence absolue. 200 blessés, 20 personnes mutilées, défigurées, dont le pronostic fonctionnel est engagé, et une personne, à ce jour, toujours en réanimation. Ils n'ont pas cherché à comprendre, ils ont tiré sur tout le monde. Ils ont tiré sur tout le monde. J'ai fait une hémorragie interne et j'ai fait mourir, quoi. J'ai fait 2 semaines et demie de coma. Et le fait est qu'il y a eu des centaines de blessés du côté des manifestants, dont au moins 2 blessés graves qui ont été envoyés dans le coma et qui ont passé des semaines et des semaines entre la vie et la mort. Et ça, c'est du côté des manifestants que ça s'est passé. Alors même que y a des moyens qui sont déployés par ailleurs pour des choses infiniment moins graves, comme le fait de tracer un tag sur une camionnette abandonnée ou de ramasser un gilet de gendarme. Et ça n'a blessé personne, ça n'a envoyé personne dans le coma. Son premier séjour dans la cabane de Loïc, Manon n'est pas prête de l'oublier. Ce 20 juin, Loïc ne travaille pas. Le couple dort paisiblement ici, à Montier-sur-Sault, près de Bure, en Meuse, quand, vers 8h40, la trentenaire entend des bruits et une voix qui dit « Imagine s'il nous entend ?» Et en fait, là, tout doucement, j'ai essayé de dire à Loïc qu'il y avait quelqu'un, parce que, en fait, j'ai même pas eu le temps de réaliser, mais en 2 secondes, ils entraient dans la cabane. Et à partir de là, tout est allé très vite. Ils nous ont attrapés. Ils nous ont projetés au sol. Loïc a été menotté immédiatement. Loïc avait une arme braquée sur la tempe, avec 3 gendarmes qui le maintenaient très très fort, des gens très impressionnants, avec des cagoules, avec des armes de guerre. Mais des armes comme ça. À l'autre bout du jardin, dans la maison, le colocataire de Loïc est mis en joue lui aussi. Les personnes qui étaient derrière la personne en bouclier m'ont pointé avec des armes, en me criant de me mettre au sol. Donc là, j'ai rien su dire. J'ai pas du tout osé demander à ce moment-là le mandat ou quoi que ce soit. J'espérais juste qu'il se loupe pas et je voulais pas qu'il tire. 22 gendarmes et militaires sont présents. La section de recherche de Poitiers est accompagnée du PSIC de Nancy. Cette unité spéciale de gendarmerie est chargée de protéger les personnes et les biens contre les menaces criminelles ou terroristes. Et puis il y a aussi une unité de contre-terrorisme, chargée notamment d'assurer la sécurité des centrales nucléaires, le PSPG de Cattenom. Après cette première perquisition d'une heure, Loïc est conduit menotté chez ses parents près de Nancy, afin que les gendarmes fouillent cette fois sa maison familiale. Et tout ça pour rechercher quoi ? Johan n'en revient pas. Mais en fait, ils n'ont pas cherché d'armes, ils n'ont pas cherché de bombes, ils ont cherché 2 vêtements. La démesure du dispositif mis en place pour chercher 2 vêtements, quoi. Enfin, ils seraient venus à 4, ils auraient fait la même perquisition, ils seraient partis avec Loïc de la même manière. Le même jour, sur l'ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes. 60-70 gendarmes qui sont rentrés chez moi à coups de bélier avec une porte qui était ouverte. Vers 6h du matin, un scénario similaire s'était écrit un peu partout en France. Ils m'ont frappé d'abord, ensuite ils m'ont plaqué au sol. Alors qu'ils s'étaient rendu compte, du coup, à la fin de ces plaquages au sol, que j'étais pas la personne qu'ils cherchaient. Cette deuxième vague d'interpellation fait suite à l'action d'éco-sabotage du 10 décembre 2022, soutenue et relayée mais non organisée par les soulèvements de la Terre, qui visait une cimenterie Lafarge à Bouc-Bel-Air, près de Marseille. 200 individus avaient donc saboté l'incinérateur, un certain nombre de machines, ce qu'ils appellent pudiquement un désarmement, ce que dans notre langage commun, on appelle plutôt des déprédations et du sabotage. Il y avait quand même eu 4 millions d'euros de dégâts. L'inquiétude des autorités, c'est que l'éco-sabotage cause des morts et se transforme très vite en éco-terrorisme. Les camarades qui ont attaqué ce cimentier, qui est un des principaux pollueurs du monde, ils ont aussi attaqué une entreprise terroriste, puisque Lafarge, en 2013-2014, a été reconnue de collusion avec Daesh. Avec Daesh, il a été prouvé qu'il y a au moins 6 millions d'euros qui ont été versés par Lafarge à Daesh pour pouvoir continuer ses activités en Syrie. Voilà. Et c'est nous l'association de malfaiteurs, et c'est nous les terroristes. Et ben on voit qui sont les alliés quotidiens de Macron et de sa bande. Pour l'affaire Lafarge, la juge d'instruction d'Aix-en-Provence a mis en examen deux premières personnes le 11 juillet. Une militante écologiste et un photographe pour association de malfaiteurs, dégradation en bande organisée et destruction d'engins de chantier. Avant cela, le 20 juin donc, mais aussi le 5 juin, deux coups de filet avaient été menés dans toute la France par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et la section de recherche de la gendarmerie de Marseille, avec parfois les renforts du RAID. En tout, 32 personnes, pas toujours les bonnes, avaient passé jusqu'à 96 heures en garde à vue. Toutes avaient été remises en liberté. Les moyens policiers déployés sont gigantesques. Donc si on prend simplement l'exemple du petit village de Verfeuille-sur-Seine où habite une partie des personnes qui ont été arrêtées, ce petit village a vu un débarquement policier complètement inédit. On nous a décrit une soixantaine de policiers sur place, dont la moitié cagoulée. Ça indique, juste en analyse, hein, mais ça indique qu'il n'est pas imaginable qu'une telle opération policière ait pu se produire sans un commandement politique très haut placé au ministère de l'Intérieur. Revenons à l'affaire Sainte-Soline et à Loïc. Après 24 heures de garde à vue, il est transféré en Vienne, au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, où il va rester enfermé jusqu'à son procès, prévu le 27 juillet prochain. Il sera jugé avec les trois autres personnes arrêtées comme lui le 20 juin au tribunal correctionnel de Niort. À la différence près que lui ne pourra pas comparaître libre. Motif invoqué par le juge, Loïc a déjà été condamné par le passé. Pour comprendre, il nous faut changer de pays et revenir quelques années en arrière. Chaque année, les chefs d'État et de gouvernement de 19 pays et de l'Union européenne, qui représentent à eux seuls les deux tiers de la population et plus de 90% des richesses de la planète, se réunissent lors d'un sommet. Je pense que le message principal est que l'Allemagne était préparée à accueillir un tel sommet en toute sécurité. En juillet 2017, c'était donc en Allemagne. À Hambourg. Guten Abend! Hello Hamburg! Et de me joindre à vous pour bâtir un monde plus juste et plus égal. Alors que le dirigeant du G20 a assisté à un concert de Beethoven hier soir, de violents affrontements ont à nouveau opposé policiers et manifestants anticapitalistes. C'est l'un des plus gros rassemblements anticapitalistes jamais organisés. C'est aussi le plus gros déploiement de police de l'histoire de l'après-guerre. Non, les choses ne vont pas bien partout dans le monde. La vie, c'est l'enfer pour beaucoup de gens et nous voulions exprimer cela et nous voulions également dire que nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu et que nous voulons perturber ce sommet. Environ 100 000 manifestants écologistes, altermondialistes, anarchistes face à plus de 31 000 policiers allemands. Wir haben ja eine Szenerie gehabt wie in irgendeinem x-beliebigen diktatorischen Polizeistaat, wenn man. Après 4 jours d'intenses affrontements, plus de 3500 procédures pénales seront ouvertes contre divers suspects. Au moins 146 personnes seront condamnées, dont 9 à de la prison ferme. Loïc s'est pris 3 ans, la peine la plus longue. Moi, je me suis retrouvé avec plusieurs accusations différentes, donc pour jet de projectiles sur force de l'ordre. Et c'est souvent des moments en fait, où il y avait une grand-mère m'en est qui poussait son vélo, je viens vers elle pour l'aider à partir. Il y a une vidéo en plus de la police où c'est Monsieur Schneider aide une grand-mère à traverser la route. puis bah, comme c'est au milieu des affrontements, on se prend du canon à eau alors qu'on était vraiment sur le côté. Du coup, ça m'énerve et spontanément, bah, je prends une pierre qui était par terre, je la jette, je suis pas masqué, donc il m'identifie. J'arrive pas à atteindre les forces de l'ordre. Et en fait, voilà, j'ai plein d'accusations, j'ai blessé personne, effectivement. Il y a tous les projectiles tombent très loin des forces de l'ordre. Et il y a aussi donc une accusation d'un pétard dans une banque de la rue la plus bourgeoise de Hambourg, Elbe-Chaussée. Et en fait, là, c'était une manifestation aussi qui a fait pas mal de dégradations sur la rue la plus bourgeoise. Et à titre d'exemple, je crois que c'est 1 million d'euros de dégâts en 20 minutes. Et en fait, ils ont fait une situation un peu particulière qui vient aussi avec les gilets jaunes, la loi anti-casseurs. C'était un peu avant, du coup, que ça a été utilisé déjà au G20. C'est voilà, être accusé de tout ce qui se passe dans une manifestation. Donc j'ai été accusé de toutes les dégradations. Donc ça a duré 71 journées d'audience. Le procureur tente de faire reconnaître qu'il y a une responsabilité collective en cas d'émeute. Loïc et les 4 autres prévenus du procès de l'Elbe-Chaussée sont donc accusés d'avoir apporté, par leur seule présence, un soutien psychologique à l'infime partie des 220 manifestants qui ont brûlé des voitures, brisé des vitres, etc. Mais comment les autorités ont-elles procédé pour désigner 5 responsables ? Mehr als 7 Terabyte Videomaterial aus den Tagen des G20-Gipfels liegen mittlerweile auf den Servern der Polizei. Bei der Auswertung hilft eine computergestützte Gesichtserkennung. Wenn einer bestimmten Person bereits eine Tat zugeordnet werden kann, speichert eine spezielle Software ihre biometrischen Daten und kann dann in der riesigen Menge Videos nach weiteren Bildern mit dem Gesicht des Tatverdächtigen suchen. Dès la fin du sommet, le gouvernement allemand crée une commission spéciale de 180 policiers enquêteurs pour retrouver les émeutiers du G20 à travers l'Europe. Son nom, le SOKO Schwarzer Block. Die verdeckte Fahndung in Deutschland und im europäischen Ausland läuft an. Doch sie bringt nur wenige Ergebnisse. Deshalb starten Polizei und Staatsanwaltschaft die größte Öffentlichkeitsfahndung in der Geschichte der Bundesrepublik. Juillet 2020. Nous rencontrons Loïc à Hambourg. Il occupe un petit job. C'est l'une des conditions requises par le tribunal pour ne pas retourner en prison. La prison. Il y a passé 1 an et 4 mois, tout au long de son procès. Il a connu la solitude et la violence de l'enfermement, 23 heures sur 24 dans une cellule de 2 mètres sur 3. Il a 24 ans. C'est un des accusés qui l'a complètement monté, quoi. Lui-même à la main. Et c'est un vélo qui fait 9 kilos. Il est hyper léger et il fonce, quoi. J'arrive à voir après les kilomètres heure, je fais du 30, 40 kilomètres heure hyper facilement avec. Sur le vélo de course que lui ont fabriqué les 4 autres accusés du procès de l'Elbe-Chaussée, Loïc dévale les artères de cette métropole portuaire tentaculaire, où il est obligé de vivre, loin de ses proches, loin de tout. Dans quelques jours, le verdict sera donné. C'est pour ça que nous sommes là, pour recueillir sa parole pendant qu'il est libre, fût-ce une liberté conditionnelle, pour entendre le récit délirant de son arrestation. La Chine, la France, les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, les USA... Tout ça, c'est les plus grands trafiquants d'armes au monde. Et c'est hyper violent, en fait. Et ça, on n'en parle pas. Et du coup, c'est marrant que moi, je suis accusé de port d'armes, par exemple. Et qu'on en fasse toute une image criminalisatrice. Alors que je serais même pas personnellement, moi-même, porteur d'une arme. Mais dans leur construction de complicité, j'aurais porté une arme. Donc ça, c'est drôle, parce que moi, je pourrais dire la même chose. Parce que finalement, ils ont fait leur rencontre, là, du G20. Ah oui, mais attendez. Vous êtes complice, parce que, ok, vous avez pas d'armes, mais vous êtes représentant d'un État qui vend des armes. En mai 2018, Loïc faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen pour dégradation, incendie d'un bâtiment, port d'armes de catégorie A et violence sur agent, le tout en bande organisée. Auch 5 mutmaßliche Täter von der Elbchaussee werden öffentlich gesucht. Es sind diejenigen, die sich vor einer laufenden Kamera démasquiert haben. Que faisait-il, lui, Loïc, au moment où ce documentaire a été diffusé à la télévision allemande? J'ai fait maïs, melon, haricots ensemble. J'ai fait concombre, courgettes, tomates. Oignons, fraisiers aussi, j'ai planté plein de fraisiers. Alors que les policiers allemands et français le recherchaient activement, Loïc apprenait les bases de son futur métier. Et je pouvais le faire parce que j'étais à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, en fait, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était un endroit où la police n'intervenait pas, c'est un des seuls lieux où si t'es en clandestinité, bah, tu peux appeler avec ton téléphone. Et tu sais que si les flics ils arrivent, ben, y aura des appels qui vont préciser que les flics arrivent, du coup tu peux te barrer dans la forêt, aller à un endroit, quoi. Et j'ai appelé mes parents et je leur parlais. Et c'était très fort, parce que c'est une situation que plein de gens qui sont en clandestinité ne peuvent pas vivre, en fait. Août 2018, les policiers défonçaient la porte du domicile de ses parents. En arrêtant Loïc, il lui aurait glissé. On était à Notre-Dame-des-Landes, t'as vu, je suis à côté du panneau Notre-Dame-des-Landes. On était prêts à aller te chercher, mais finalement t'es venu à nous. Ils ont dit ça comme ça. Parce que mon anniversaire, du coup, je suis rentré chez mes parents. Je voulais pas. pourrir ma vie dans une clandestinité. J'étais plus en mode, si je me fais arrêter, bah, j'irai, je me défendrai de ce qui se passe. Mais j'ai pas envie d'y aller et j'ai envie de continuer à faire ma vie. Donc il faudra qu'ils prennent la peine de m'arrêter s'ils ont envie. Quoi. Tu t'es jeté dans la gueule du loup quand même. Ouais, je me suis. Ouais, c'était mon anniv, je voulais passer avec mes parents. Et puis en fait, c'était aussi dur de pas voir sa famille en fait. Et voilà, ils voulaient aussi me revoir. Et moi, je voulais les revoir aussi. Aux côtés des policiers, les gendarmes meusiens étaient présents eux aussi. Ils suivent de près les militants opposés au projet d'enfouissement des déchets nucléaires, à Bure, en Meuse. Loïc en fait partie. En fait, quand j'étais au tribunal de Nancy sur la validité du mandat européen, ça a été traduit, tout ça, et ça a été lu. Et à un moment donné, ils précisent que Loïc Schneider est d'ailleurs connu comme étant actif à Bure, dans la scène d'extrême gauche. Voilà, ça c'est dans le mandat d'arrêt européen et dans la traduction qu'il y a eu du mandat d'arrêt européen. Et ça, c'était complètement bizarre d'avoir cette partie qui était écrite alors qu'elle n'existe pas dans le mandat allemand, par exemple. Les policiers profitent alors de sa fin de cavale pour lui délivrer ce petit message. Ah, ça va bien nous servir le procès que t'as sur le G20. Ça va salir ton image parce qu'après, quand ça sera fini, on se reverra. Par rapport à Bure, on se reverra. Ils m'ont dit ça comme ça, quoi. Et moi, bon, je pense qu'ils me disent ça juste par menace et qu'ils ont rien. Ils ont voulu mener les enquêtes dans une certaine direction et, je pense, utiliser ce procès du G20 pour aussi criminaliser d'une certaine manière l'opposition à Bure, ou que ça soit utilisé après dans des prochains procès ou pour construire une image. Triste prophétie, donc. On l'a compris, Loïc se fait arrêter le 20 juin dans l'affaire Sainte-Soline. Or, ces 14 mois de prison qui lui restaient à effectuer en France suite à l'affaire du G20 étaient définitivement derrière lui. Sa demande de liberté conditionnelle avait été acceptée par le juge de l'application des peines le vendredi 16 juin, donc quelques jours seulement avant l'intervention de la gendarmerie pour l'arrêter. Et donc ce vendredi, il avait appris qu'il était libre en fait, que la liberté conditionnelle avait été accordée, et la seule condition c'était qu'il ait un emploi, et des emplois il en a déjà deux. Et donc il était dans un état d'esprit... Il était plutôt serein, pour une fois. Quand ils vont en bateau, naviguant l'océan, pour larguer le fléau, ces barils du néant. Quand ils veulent sous nos terres y enfuir leurs ordures, nous déclarons la guerre, mais ils n'auront pas Bure. Ils n'auront pas Bure. Ce poème, adapté en rap par d'autres militants, c'est Loïc qui l'a écrit. Juste avant Hambourg, en juin 2017, il le déclamait en guise de conclusion au tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, qui le condamnera à 4 mois de sursis. Durant 2 longues heures d'audience intégralement retranscrites, Loïc revendiquait avoir participé à l'action qui a fait tomber les grilles de ce bâtiment appartenant à l'ANDRA. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs tente d'imposer depuis près de 30 ans son projet de poubelle nucléaire en Meuse et Haute-Marne, baptisé CIGEO. À partir de 2035, elle espère stocker les colis de déchets radioactifs dans 265 km de galeries souterraines qui sont encore entièrement à construire. L'argent et l'emploi, deux arguments de poids utilisés par l'Agence des déchets radioactifs. Chaque année, les communes du secteur touchent 60 millions d'euros et ça se voit. Lampadaires et salles des fêtes flambant neuves, les équipements municipaux sont en grande partie financés grâce à ces dotations. L'achat des consciences et le déni de démocratie qui accompagne la mise en œuvre de ce projet industriel pharaonique. C'est cela que tentait de dénoncer Loïc, à 19 ans, derrière son écran, et sous un masque d'anonymous. Vu que je participais avec d'autres aussi, mais à l'écriture des revendications, et j'aimais beaucoup avoir cette capacité finalement d'ouvrir un débat qui n'était pas là. Les deux revendications principales, donc c'était l'organisation d'un référendum local, par rapport à l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Et ou alors plus tard, c'était aussi l'organisation d'un débat télévisé, parce que c'est pas beaucoup médiatisé Bure, et que ce serait voilà quelque chose qui dure, je sais pas moi, par exemple 1h30, 2h, un soir sur France 3 par exemple. Entre fin 2014 et début 2015, Loïc et deux autres anonymous bloquèrent quelques instants les sites internet de l'ANDRA, de CIGEO, du Conseil général de Meuse ou encore du Conseil régional de Lorraine. On attaque, on bloque des systèmes informatiques. Et après, on tente d'obtenir un dialogue. Donc il y a un procédé qui est aujourd'hui, au regard du code pénal, totalement sanctionnable. C'est juste un militant, c'est juste un activiste, mais il ne présente pas d'acte de violence lorsqu'il est en manifestation. Et je pense qu'on l'a tous rencontré et on voit dans quel état d'esprit il est. Quand on dit Anonymous, c'est juste parce qu'il portait un masque Anonymous. Il aimait juste dire des vérités, mais il voulait cacher son visage parce que, bah voilà, il y avait une période, on va dire, adolescence. Et puis, pour lui, ça lui donnait un petit peu plus de force. Et c'est comme ça, en fait, qu'il a commencé à monter son truc Anonymous. Il y a le barrage de Sivens aussi qui l'a extrêmement marqué. La mort de Rémi Fraisse, où il était à quelques mètres de Rémi Fraisse quand il s'est fait assassiner par un gendarme. Et ça l'a complètement perturbé. Et c'est là où il est rentré dans une spirale, on va dire, militante, où il a hacké la préfecture du Tarn, la préfecture de police, le conseil départemental de la Meuse et pas mal d'autres structures, en fait. Un groupe se revendiquant des Anonymous et qui se dit solidaire des opposants au barrage de Sivens a piraté la nuit dernière plusieurs sites internet du département du Tarn. Lorsqu'on cliquait sur ces sites, apparaissait une vidéo dans laquelle une voix off demandait l'arrêt de ce projet, je cite, inutile et coûteux. Qu'ils ont en fait fait planter le site du ministère de la Défense pour rendre hommage à Rémi Fraisse, ce manifestant qui était décédé lors des manifestations à Sivens. C'était à la fin du mois d'octobre. Comment ils ont fait? En fait, ils ont envoyé un maximum de requêtes au serveur du site pour le saturer et pour qu'en fait, il ne fonctionne plus. C'est dans sa chambre d'ado que Loïc réalisait ses vidéos YouTube, qui, pour certaines, sont montées à plusieurs dizaines de milliers de vues. C'est dans sa chambre aussi qu'il se fera cueillir un petit matin d'avril 2015 par cet agent du service de renseignement intérieur français, la DGSI. Et là, c'était très dur parce que j'arriverai pas à décrire le moment-là, mais j'avais la pensée de tous les autres gens qui étaient tout autour, dans leur vie, en train d'aller au boulot, tout ça. Et moi, j'étais là, j'ai l'impression que dans un bug temporel, mon cerveau, j'ai l'impression dans un vide bizarre. Puis commence à fouiller ma chambre, à balancer des trucs par terre qu'ils ont même pas rangés. J'ai fini en garde à vue et en fait, c'était qu'ils m'ont mis les menottes devant la maison pour pas le montrer devant mes parents. Après ça, Loïc abandonnera sa capacité en droit. 6 ans de démêlés judiciaires et de procédures kafkaïennes suivront, avec déjà les premiers rassemblements de soutien. Juste pour avoir aidé à monter les vidéos, il a été traîné comme un terroriste pas possible. Et il a pris de la prison avec sursis, malheureusement, quoi. Alors que c'était un gamin qui voulait juste un peu plus de justice sociale et un peu plus de justice environnementale et démocratique. Son opposition à l'Andra et à son monde, Loïc l'a traduite de toutes les manières, en écrivant, en occupant, en manifestant et même en cultivant un champ. Depuis son retour de Hambourg, ses terres, situées à la frontière de la Haute-Marne et de la Meuse, c'est son lieu de travail, enfin l'un de ses lieux de travail. Je suis aussi donc à mi-temps, je travaille dans un EHPAD à Laxou, où je fais ASH, aide service hospitalier, et aussi maraîcher du coup dans le collectif Les Semeuses à Bure, qui est un collectif de maraîchage qui est installé sur les terres de Jean-Pierre Simon, qui est un paysan opposé au projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur une centaine d'hectares. Et il nous a prêté 3 hectares pour pouvoir justement réaliser le maraîchage. Là, il va partir à la retraite. Il y a plein de questionnements sur la suite. On aimerait bien pouvoir faire naître plein d'alternatives sur ces terres. Rendre accessible au plus grand nombre des légumes sains, issus de semences paysannes, dans une zone rurale désertifiée où la plupart des terres sont accaparées par l'agro-industrie, c'est le pari des semeuses. 8 paysannes et paysans à qui Jean-Pierre Simon a mis à disposition ce champ depuis 2020. Il s'agit ici de créer une alternative, sachant que autour de nous, on n'a que des cultures industrielles, mais qui ne sont même pas vivrières pour les populations qui y habitent. Donc il s'agit de créer des cultures qui nourrissent la population, de redonner de la vie, donc la vie du sol, mais aussi la vie dans nos villages, avec des pratiques respectueuses et en fait de semer la vie. Mais comme si cela ne suffisait pas, les semeuses entendent se réapproprier les terres accaparées par l'Andra. L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs compte faire passer jusqu'à 1 à 2 convois nucléaires par semaine, juste là, à gauche, sur ces terres laissées à l'abandon et situées juste à côté du champ des semeuses, ici à droite. Cette ligne de chemin de fer est censée acheminer quand même la majorité, pour pas dire la totalité, en gros c'est 98% des déchets nucléaires produits en France depuis l'avènement des centrales, et Dieu sait s'il y en a qui sont en stock actuellement, donc et surtout les plus dangereux et sur une durée de vie très très longue, qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs, donc c'est 98% de la radioactivité des déchets produits qui va transiter là devant moi, devant ma parcelle, en vue d'être stocké à moins 500 mètres dans les galeries de Cigéo. De la première génération d'opposants, dont faisait partie Jean-Pierre Simon au milieu des années 90, à celle des semeuses et des dizaines de personnes qui vivent sur le territoire, la lutte à Bure n'a jamais cessé de se renouveler. Pour le moment, CIGEO n'est encore qu'un projet que l'ANDRA espère mettre en œuvre au cours de la prochaine décennie. Il n'existe pas donc. Là, on est dans les fraises de Loïc. Les fraises plantées par Loïc, si, et les jardins pirates aussi. Cette idée a d'abord germé dans son esprit, et maintenant, une dizaine de potagers citoyens ont fleuri, un peu partout dans Nancy. Petite vidéo au jardin de Boudonville, jardin pirate de Boudonville, donc c'est des fraisiers au milieu de la cité universitaire. Et là, il y a une belle fraise. Ici, ce qui est fou, c'est que malgré la sécheresse et tout, avec les quelques arrosages qu'on a pu faire, on voit qu'il y a des stolons qui sont en train de partir. C'est pour donner des nouveaux bébés fraisiers. Il s'émerveille de tout. S'il passe une journée sans planter un arbre, une courge ou je ne sais quoi, en fait, il sent pas bien. Il a besoin de répandre de la vie partout et tout le temps et à toutes les échelles, en fait. À l'échelle de la famille, des amis, donc dans des petits cercles, mais bien davantage quand il se rend dans des manifestations ou quand il va faire des jardins pirates pour permettre à des personnes de se nourrir sainement et sans dépenser trop d'argent. C'est un truc qui est ancré en lui, en fait. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zéro au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirai si un jour tu t'en irais. Présidente de l'Assemblée nationale nous a informé de ce qui s'était passé ici. Je ne vous cache rien, nous ne savions que faire. Que faire ? Protester, crier et peut-être inciter je ne sais quel dérangé à finir la besogne ? Fournir un argument à ces crétins sanglants qui nous insultent toute la semaine, nous menacent de mort et qui, pour ce qui me concerne, ont déjà essayé à deux reprises de m'assassiner, ce qui a été condamné par la justice pour l'un de 9 ans de prison et pour l'autre de 18. Peut-être allons-nous, si nous réagissons trop fort, provoquer encore d'autres qui, comme ceux qui ont agressé Mathieu Hilaire à Étampes, ont mis le feu à sa maison une nuit tandis qu'y dormaient son épouse et ses enfants, sans qu'on ait remarqué quelque motion que ce soit, parmi les donneurs de leçons qui ne cessent de nous demander, à tout propos, d'intervenir, de réagir, de condamner. Où êtes-vous, armée des silencieux, quand les nôtres sont menacés de mort par un incendie qui a une intention d'assassinat, comme l'a établi le juge qui a ouvert la procédure judiciaire de tentative d'assassinat. Nous réclamons pour nous-mêmes non seulement la protection de la justice qui nous est acquise en cette circonstance, puisque le juge a très rapidement conclu que les éléments dont il disposait lui permettaient de conclure à une tentative d'assassinat. Voyez que la première avait déjà eu lieu ici à ce rez-de-chaussée en y mettant le feu à une pile d'affiches. Ça m'étonnerait qu'on mette le feu ici, là, derrière vous, sans avoir idée que la maison pourrait elle aussi prendre feu. Et ensuite, mettre le feu tout le long du mur, sous la fenêtre de cet homme qui dort à ce rez-de-chaussée. Enfin, là-haut, c'est le rez-de-chaussée. Nous réclamons cette protection et nous sommes heureux de voir qu'elle nous est acquise par la justice. Mais nous réclamons aussi la protection de tous ceux qui, bien sûr, vous avez fait l'effort d'être là. Il pleut et nous sommes tous là. Et en étant là, groupés, serrés, nous nous manifestons la force des solidarités, qui est notre unique force. Nous ne pratiquerons pas la loi du talion. Nous ne pratiquerons pas la vengeance. Nous croyons à la justice, aux sociétés organisées. Nous croyons à la loi. Et nous y croyons tellement qu'avec une infinie patience, quand elle est injuste, nous tâchons de la modifier par nos votes, par nos interventions dans l'Assemblée. Nous ne faisons pas semblant. Nous sommes républicains de cœur, d'esprit, de pratique. Nous ne tentons pas d'assassiner les gens avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous tâchons de les convaincre et pour le reste, nous nous en remettons au suffrage universel, à la volonté du peuple souverain. Voilà qui nous sommes. Voilà la démonstration que nous sommes en train de faire, Willy. Merci à toi d'avoir eu le courage d'assumer l'idée qu'on allait le faire. À la mémoire d'Elisabeth, qui est ici parmi nous, tenace, coriace, comme elle l'était. Engagée, nous autres les gens engagés, nous bouleversons l'absurde du monde, son vide de sens, parce que nous y introduisons la raison. Le combat pour un futur différent, voilà qui nous sommes. Mais nous réclamons aux hypocrites qu'ils cessent leur hypocrisie, qu'ils manifestent autant d'émotions pour un musicien, ses partitions, son chat, son accordéon, que pour un chocolatier. Autant de soutien pour une députée dont on a souillé la permanence, une deuxième dont on a souillé la permanence, que pour des députés qui ne sont pas insoumis. Autant de protection, autant d'indignation que celle qu'ils manifestent. C'est assez maintenant. La patrie républicaine ne peut pas vivre autrement qu'appuyée sur son peuple. Si personne ne dit rien, alors il n'y a pas de limite. Et ça continuera. Il faut que ça cesse. Nous voici rendus au point où un corps d'autorité délégué par l'État, la police, est dans une activité séditieuse. Et c'est tout juste si on ne la complimente pas. Et quand on demande au chef de l'État ce qu'il en pense, il dit qu'il ne commande pas ce que dit le directeur national de la police. On ne lui demande pas de commenter, on lui demande de condamner. En République, le devoir de tous les uniformes est de servir et d'obéir, et non pas de créer je ne sais quelle loi parallèle. Si j'en parle avec autant de force, c'est que j'ai l'âge d'avoir vécu à plusieurs reprises de grandes tourmentes dans l'État. Et je sais que quand on n'arrête pas un processus à temps, alors il n'y a aucune raison pour qu'il ne continue pas. Le ministre de l'Intérieur commet une très grave erreur en manifestant de la bienveillance, de la compréhension pour un comportement inadmissible, intolérable en démocratie et en république. S'ils sont allés jusqu'ici, c'est pour aller plus loin. Et vous l'apprendrez, jeune homme. C'est une loi constante de l'histoire. Tout le monde le sait. Vous trouverez ça dans des textes du XVIe siècle. Le prince dont toute l'autorité repose sur l'autorité et la force militaire n'a aucune autorité, ni aucune force par lui-même. Ça date du XVIe siècle, la citation que je suis en train de vous faire. Il faut que ça cesse. Et pour ça, non pas de vaines batailles de mots, de je ne sais quel arc républicain, qui est un ramassis d'hypocrites et de gens sans principe, qui s'opposent à nous par une pure et simple fureur politicienne, pour réaliser je ne sais quelle coalition dont nous serions l'aliment parce qu'ils nous détesteraient tous. Ils ont le droit de nous détester, pas le droit de nous assassiner, ni de se taire quand on fait une tentative d'assassinat contre l'un d'entre nous. Quel qu'il soit, moi demain, s'il y avait le feu à la maison d'un militant politique, fût-ce de l'extrême droite, je le défendrais. Il n'y a pas de place dans ce pays et dans une démocratie pour l'assassinat comme méthode politique. Ceci est réservé aux pays où il n'y a plus de démocratie et où ce sont des dictatures. Refusez le règlement de compte. Refusez les logiques de règlement de compte. Croyez envers et contre tout à la vertu de la polémique, de l'excès de langage, du débordement par les mots. Parce que depuis que l'humanité est humanité, et depuis le sacrifice d'Abraham, on a appris qu'il fallait substituer à la violence physique, directe, la violence symbolique du sacrifice ou de la parole. Nous sommes face à des barbares, la civilisation. Quand le président de la République croit que la décivilisation a lieu dans nos quartiers populaires, il montre seulement sa morgue de classe. La civilisation est du côté des gens pacifiques qui font confiance à la loi, ne se vengent jamais des outrages qu'ils subissent quotidiennement pour certains d'entre eux. La civilisation, elle est ici, parmi ces gens que vous voyez peut-être et que vous verrez parce qu'on les filme. Regardez, vous qui regardez leurs visages sous leur parapluie, que font-ils là, je vous prie? Nous sommes au mois de juillet, on est censé être en vacances. Nous sommes regroupés par quelque chose de plus grand que nous. Pas seulement même la compassion pour Willy, en tant qu'homme, en tant qu'ami, en tant que voisin. Pas seulement. Voilà, on a fait ce qu'on a pu, on a tranché. Alors voici Martin Etienne, de la Meurthe-et-Moselle, lui, Emmanuel Fernandez, de l'Alsace, qui j'ai oublié. Ce qu'on pouvait, qu'on a rassemblé en quelques jours, vous autres, d'autres ici qui sont là, on s'est rassemblés, on a fait un choix tous, les amis. Ce n'est pas le choix le plus simple, on a décidé d'en parler. Tout à l'heure, j'entendais Willy qui parlait avec un de ses copains, qui a l'air d'être le mien aussi, parce qu'il a un drapeau que je connais, et il lui a dit, j'ai rien dit, j'ai pas parlé de vous parce que je veux pas menacer votre maison. On en est là, les amis. Je crois que je l'ai pas entendu. On en est là. On a fait un choix. Lancer l'alerte. Pas de violence. Refus absolu de la violence dans le combat politique. Elle ne nous mène nulle part. Nous ne l'avons jamais pratiquée. Et voici le visage de nos adversaires. Le voici, regardez, cette maison brûlée de fond en comble. La voilà, la violence. Ce n'est pas celle de mes propos, de la force de ma voix, de mon visage, glacé par ce que je viens de voir, et plein de la colère que vous ressentez, que j'exprime pour vous. Non, ça, c'est pas de la violence. Ça, c'est dire les choses. Ça, c'est croiser le fer des idées. La violence, c'est vouloir brûler, assassiner, tuer, parce qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce qu'il a fait, Willy? Quand l'un d'entre vous peut citer un de ses discours exagérés? À quel moment a-t-il fait preuve d'outrance verbale avec son accordéon? Quand a-t-il écrit des choses définitivement condamnables avec ses partitions? Regardez-le, c'est un gentil. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il a un cœur gros comme ça. Il est prêt à aider toute personne. Voilà qui il est. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter qu'on essaye de l'assassiner? Rappelez-vous-en. Chaque fois que vous entendrez tel ou tel, vous accusez, nous accusez, m'accusez, l'outrance, la voilà. C'est plus que l'outrance, c'est puni par la loi. C'est pas permis dans ce pays. J'espère que les gendarmes et les juges vont le trouver. Quand même, là, il y a beaucoup d'indices, hein. Et que je te mets du pétrole, et que je te fous le feu, et que j'oublie les allumettes, et que ceci, et que cela. À mon avis, on devrait finir par en retrouver un en cabane. Et il lui en cuira, si c'est un homme. Il lui en cuira. Parce que la tentative de meurtre, c'est assez durement puni. Et c'est bien normal. Je vous ai dit, 9 ans pour l'un, 18 ans pour l'autre. J'espère que votre dévouement, en étant présent aujourd'hui, atteindra son but. Vous n'êtes pas venu là pour vous promener. Le coin vaut le coup, mais c'est pas pour ça qu'on est venu. Et donc, vous avez mené une action politique. Je remercie, j'ai vu qu'il y avait divers drapeaux. Je m'en voudrais d'oublier qui que ce soit, ou de souligner trop exagérément les absents. Mais ça, merci à tous, pisser. Qui que vous soyez, quel que soit votre engagement personnel, je sais que parmi vous, il n'y a pas forcément que des insoumis, encore heureux, dites donc, parce que sinon on serait mal, hein. Il y a des opinions diverses, multiples, d'ailleurs les insoumis, même pour ce qui est de la diversité, absolument. Je vois un drapeau tout rouge là-bas, qu'est-ce qu'il faut dire? NPA, eh bien merci NPA. J'ai vu, il n'y avait pas un drapeau européen de chemin. Oui, les jeunes écologistes. Merci à ton drapeau. Les jeunes merci au drapeau du Parti de gauche que j'ai vu. Je peux amener des drapeaux. Hein. À elle aussi, Alternative Libertaire. L'Alternative Libertaire. Merci infiniment d'être là. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et la libre pensée. La libre pensée. La Ligue des droits de l'homme. La CGT. Oui, la libre pensée. Ah. C'est bien, ça fait du bien. Voilà. Bref, voilà. Je suis content de vous avoir remercié, d'avoir pu vous avoir pu le faire. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà? José Abdel Argentino, Arabica Yan Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noire. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes émerveillés de leur dedans et se découvrent en nouveau monde. Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka argentin et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient. Merci, mesdames, messieurs de la presse, pour votre présence qui est notre protection dans cette circonstance. Je me présente devant vous à côté de monsieur Willy Malaroda, notre ami. Willy a, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que toi tu crois que c'est un incendie volontaire? Et il me dit, pour moi, sans aucun doute, parce que le feu a pris sur toute la longueur, et il n'y a aucun incendie qui se déclenche de cette manière-là. Maintenant que je viens de voir les lieux, je comprends encore plus d'où il tire sa conviction. Vous avez tous pu observer qu'en plus, il dort au rez-de-chaussée. Ici, là, cette fenêtre même que vous voyez. Si bien que, avec son accord, parce que c'est un homme qui a peut-être mieux que d'autres l'âge de poser ses décisions, nous sommes tombés d'accord sur l'idée qu'il fallait faire la seule chose qui est en notre pouvoir, augmenter le niveau d'alerte. Et c'est pourquoi j'ai commencé par vous remercier, parce que dans cette circonstance, l'alerte passe par vous. C'est très important pour nous. Notre pays vit un moment assez angoissant. Non pas de montée de violence en général, ça n'a pas de sens. Les sociétés sont toujours violentes, il y a toujours des mots de trop, il y a toujours eu des polémiques. C'est pas ça le sujet. Ce qui est nouveau, c'est qu'on essaye d'assassiner. C'est que parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on pense autrement, on essaye de tuer la personne qui pense pas comme vous, dont on fait un symbole. Willy Malaroda, son épouse, Elisabeth, sont des militants, et lui, quand je lui parle, il me dit « moi, je ne suis pas de la première ligne ». Il croit. Ils sont tous dans cette simplicité du cœur et de l'esprit, et qu'ont-ils fait de si spectaculaire, à part défendre leurs idées, qu'ils revaillent la pensée de les tuer. Elisabeth, hélas, n'est plus parmi nous. C'était une figure dans notre mouvement. Et Willy Malaroda, son compagnon, l'accompagnait dans son engagement et le partageait pour partie. Vous avez vu, comme moi, qu'il y a eu une première tentative. Le feu a été mis ici, en bas. Des affiches. Je n'avais pas compris ça quand tu me l'avais raconté. Je croyais que c'était des affiches qui avaient été incendiées ici ou là sur je ne sais quel panneau. Donc déjà, il y a eu une volonté avérée. C'était pas pour vous faire du bien qu'ils ont mis le feu un tas d'affiches là en bas. Je ne pense pas. De même, quand on a jeté des pieds de porc dans ce jardin, en réplique aux arguments que nous portons de la tolérance et du respect de la liberté de conscience, notamment pour les musulmans, après tout nous sommes en France, et la France est la terre de la liberté de conscience. On a compris que, eux ont compris, parce qu'ils sont très modestes, ils n'ont pas aussitôt remué ciel et terre, cherché à se singulariser, à téléphoner partout. Et nous avons appris tout ça en même temps, que tout ça avait eu lieu, mais ils avaient porté plainte, n'ont pas tout été reçus. Qu'est-ce que vous attendez de la justice? La justice. Rien de plus, la justice. Mais nous parlons d'une tentative d'assassinat. J'ai fait l'objet de deux complots pour m'assassiner. Le premier a été puni par la justice par 9 ans de prison à l'intéressé, et le second à 18 ans. C'est dire que j'ai été moi aussi en quelque sorte préparé à l'idée que ça se resserrait et que maintenant tout le monde pouvait être visé. Les consignes ont été passées à tous nos députés et à eux, les premiers qui sont visés pour ne pas devenir des cibles. Je pense que la justice fera ce qu'elle a à faire. Parce que sur ces sujets, nous ne sommes plus dans la politique. Nous sommes dans autre chose. On ne demande pas à la justice de départager des points de vue politiques. Ce n'est pas le sujet. Et nous savons que les juges sont conscients du fait que nous sommes dans autre chose qu'est le délit de droit commun, d'assassinat. Et je pense que la décision prise par le procureur d'ouvrir la procédure judiciaire est une très bonne information, qui est réconfortante. Qui apaise le cœur. Car le pire dans ces circonstances-là, c'est quand on a l'impression qu'on ne nous croit pas ou qu'on ne nous écoute pas. C'est pourquoi il fallait venir ici. D'abord, moi-même, j'ai besoin de voir comme mes collègues. Hein. Voilà, je vous remercie, je suis prêt à répondre si vous avez des questions, mais j'imagine que vous êtes comme moi, saisi par, par le... C'est glaçant, quoi, comme spectacle. Vous avez trouvé une grosse suspicion sur le fait que la commune provenance de l'extrême droite, vous confirmez ce que vous disiez. Mais... Bah, nous, c'est pas à nous de... Bon, mais moi, j'assume totalement que pour nous, c'est une suspicion avérée. Si c'était un fait isolé, tout d'un coup, sa maison prend feu, on pourrait dire, je ne sais pas quoi. Mais là, non, c'est la troisième alerte. Une tentative d'incendie et des choses qui ont été jetées dans le terrain avant. Donc... pour moi, c'est une agression d'extrême droite, d'autant que nous sommes continuellement menacés. Nous recevons continuellement des menaces de mort. Encore il y a deux jours, c'est Thomas Porte qui était menacé. Je ne vais pas faire la liste parce que la décision n'a pas été prise de rendre publiques toutes les menaces de mort, mais nous ne voulons pas créer une espèce de concours entre ces dérangés. Et je vous le redis, nous ne savons que faire, parce que nous ne pratiquons pas la vengeance. Nous pratiquons la justice. Nous ne pratiquons pas la loi du talion. C'est la justice qui va trancher. Donc pour nous, tout le monde doit comprendre que c'est une situation angoissante, parce que nous devons vivre sans savoir. Et ça commence bien, je trouve, parce que le procureur a ouvert une procédure judiciaire pour tentative d'assassinat. Ça veut dire que ça n'a pas été minoré. On n'a pas entretenu le doute sur la motivation de l'acte. Et si le procureur a pu se décider aussi rapidement, c'est que les preuves qu'il a accumulées à cette étape, le conduisent à penser que tout montre une tentative d'assassinat. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Et je trouve que c'est très encourageant et la nature de l'acte est reconnue, donc l'enquête va aller jusqu'au bout et pour nous c'est rassurant parce que, je vous le redis, nous ce qu'on demande c'est la justice. Nous ne pratiquons pas les ventes d'État. Est-ce qu'il y a des suspicions sur d'autres agressions d'extrême droite? Bah écoutez, on en est à la troisième, alors à force, on finit par recouper. Je parle de l'extrême droite parce que les menaces de cette nature, à l'heure à laquelle nous parlons, sont innombrables sur les réseaux sociaux. Pas une ou deux, c'est je ne sais combien. Et encore, il y a deux jours, c'est l'extrême droite qui menaçait Thomas Porte. Des gens qui se réclament de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une galaxie, c'est... Donc, oui, pour nous, notre suspicion se tourne de ce côté-là. Et nous avons des raisons de le faire. C'est pas par une lubie ou par un engagement parce que notre vision politique déformerait notre regard. Nous avons eu, pendant des années, des polémiques avec l'extrême droite, et des fois assez vigoureuses, sur le plan du ton et des expressions. Mais on n'en était pas là, on n'en était pas aux tentatives d'assassinat. Où va-t-on comme ça? Et je voudrais faire remarquer le silence qui nous entoure. Et vous devez comprendre pourquoi nous sommes glacés à nous sentir seuls dans ces circonstances-là. Où sont passés tous ceux qui exigent de nous sans cesse des condamnations pour ceci, pour cela? Quand il s'agit d'un homme qui n'est pas un militant politique acharné, qui aurait fait des déclarations dont les propos seraient retenus contre lui, alors il n'y a rien à dire. Non, c'est très choquant. Leur chanter des tas de chansons, d'y désirer toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des tricks. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça, les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges, sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils, qu'on crucifie sur des affiches, un doigt de scotch et un jean, fils, et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter, et puis après, pam pam pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse, ou con, ou bien insecte, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Ouais. 4 août 1789, le jour où les privilèges sont abolis à la demande du vicomte de Noailles. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Deux semaines après la prise de la Bastille, la France est au seuil d'une guerre civile. Les paysans, qui ne paient plus leurs impôts, craignent une réaction violente de leurs seigneurs. Aussi sont-ils prêts à prendre les armes. Il faut absolument que l'Assemblée constituante agisse avant que le pays ne plonge dans l'anarchie. Elle se réunit donc à Versailles début août. Certains députés plaident pour l'emploi de la force contre les paysans. D'autres militent au contraire, pour l'abandon immédiat des servitudes et impôts injustes. Les deux camps s'affrontent violemment. C'est alors que le 4 août, le vicomte de Noailles, beau-frère du marquis de Lafayette et grand libéral, monte à la tribune. Il appelle vigoureusement à la fin des privilèges. Son envolée lyrique électrise l'assemblée. On l'applaudit à tout rompre. On s'embrasse. À la tribune lui succède l'homme le plus riche de France, le duc d'Aiguillon. Lui aussi est pour l'abandon des privilèges. Il s'écrie « Le désordre n'est pas le fait de brigands, mais du peuple insurgé contre l'inégalité, l'arbitraire, l'iniquité des droits. » Dans la salle, les députés du tiers-état applaudissent à tout rompre. Au fil de la soirée, les députés votent l'abolition de la qualité de serf, des juridictions seigneuriales, de tous les privilèges et immunités pécuniaires, du droit exclusif de la chasse, des colombiers et des garennes. Mais encore, la constituante se décide pour l'égalité des impôts, l'abandon de la dîme, l'accès libre aux emplois civils et militaires, la justice gratuite, la suppression de la vénalité des offices et la destruction des pensions obtenues sans titre. En apprenant ces décisions qui désagrègent plus d'un millénaire de droits féodaux, la première réaction de Louis XVI est d'applaudir. « J'approuve tout ce que l'Assemblée nationale va faire. Je m'en rapporte à sa sagesse et ses lumières, et surtout à ses vertus. » Pourtant, quelques jours plus tard, il refusera de ratifier les décrets de la Constituante abolissant les privilèges. Il ne s'y résoudra que violenté et forcé. Thank you. Je me propose aujourd'hui de lire et d'essayer d'analyser, de comprendre un document très connu et essentiel pour comprendre notre monde contemporain. Il s'agit bien sûr de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée par l'Assemblée constituante en France du 20 au 26 août 1789, acceptée par le roi le 5 octobre de la même année. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme

qui se met en place au lendemain même des premiers actes révolutionnaires au sommet. Assemblée nationale constituante et à la base, la prise de la Bastille. Apparent dans un second temps, un texte qui, tout en s'inscrivant sur fond d'universalité, reflète les enjeux et les débats d'un moment précis du processus révolutionnaire. Commençons par présenter le document. En analysant successivement la nature de la source, sa datation et en présentant également ses auteurs. Il s'agit d'extraits qui présentent les articles essentiels d'un document officiel destiné à former le préambule de l'acte constitutionnel dont la constituante entreprend la discussion. Il se trouve transcrit dans les procès-verbaux de l'Assemblée et dans les archives parlementaires, première série, tome 8. La Déclaration des droits de l'homme a été adoptée le 26 août 1789, après avoir été à l'ordre du jour entre le 7 juillet et cette date. L'élaboration du texte a été confiée par l'Assemblée dès le 6 juillet à des comités qui se sont relayés. Mais il a été aussi fait appel à l'initiative individuelle des députés ou simples particuliers qui ont envoyé des projets, parmi lesquels ceux de Mounier et Seyès ont eu le plus d'influence. C'est finalement le texte d'un des bureaux de l'Assemblée qui a été pris comme base de la discussion finale entre le 20 et le 26 août. C'est donc d'un texte d'élaboration collective et, d'une certaine façon, de compromis qu'il s'agit. Analysons maintenant cette fameuse déclaration. Le texte de la déclaration, relativement bref par référence aux déclarations ultérieures, comporte 17 articles, précédés d'un préambule qui fait office de déclaration d'intention. On doit donc y rechercher la philosophie qui inspire la démarche des constituants, mais aussi les applications générales qui en sont faites en termes de formulation de droit. À noter que la proposition d'une déclaration complémentaire des devoirs a été écartée en 1789. Outre le préambule, les premiers articles, donc les articles 1 à 3, sont consacrés à l'énoncé des principes : droit naturel, souveraineté nationale, la loi, auxquels on revient dans les articles conclusifs, en particulier à l'article 16, Constitution, séparation des pouvoirs. L'essentiel du développement tient dans la définition des droits, annoncée dès l'article 2, développée et commentée par la suite. La liberté, définie à l'article 4, est le thème le plus amplement détaillé. Il s'agit de la liberté de la personne, articles 5 à 9, et son corollaire, l'obéissance à la loi. Ensuite, la liberté de pensée et d'opinion, je fais référence à l'article 11. L'égalité, bien qu'évoquée dès l'article 1, n'est commentée qu'à l'article 6, égale admissibilité à tous les emplois, et à l'article 13, égalité devant l'impôt. Enfin, la sûreté et la résistance à l'oppression peuvent être considérées comme complémentaires dans les libertés. On notera qu'il n'est point alors question de fraternité. Je crois utile de préciser que la sûreté dont il est question est la sûreté des citoyens et non pas la sûreté de l'État, car ce mot de sûreté va connaître un destin qui n'était certainement pas celui qui avait été prévu par les constituants de 1789. En effet, au XIXe et au XXe siècle, lorsqu'on parle de sûreté, on parle de sûreté de l'État. Pensons encore en Belgique, il y a une institution qui s'appelle la sûreté de l'État, il ne s'agit pas de d'assurer les citoyens, il s'agit surtout d'assurer la sécurité donc de l'État, par exemple contre d'éventuels terroristes. Pensons également aux pays communistes, avant la chute du mur. En Allemagne, on parlait de Stasi, Staatssicherheit. En Roumanie, on parlait de Securitate. En Albanie, on parlait de Sigurimi, par exemple. Mais il ne faut pas oublier également qu'à l'époque nazie, avait été créée la Gestapo, Geheimstaatspolizei, donc la police secrète d'État. Voilà, je voulais simplement évoquer ce sujet pour montrer que les constituants avaient un objectif libéral, au sens le plus général du terme, et qu'il ne faisait évidemment pas référence à une quelconque, un quelconque moyen de gouvernement et de contrôle des individus. Quel est le contexte dans lequel s'inscrit cette déclaration ? Il convient évidemment de replacer cette proclamation, qui s'est voulue solennelle, dans un contexte plus large. Elle condense en formules frappantes les idées forces qui ont été développées et promues par la philosophie des Lumières, à travers ses porte-paroles, en leur donnant un caractère d'universalité. Tout particulièrement, les notions de droit naturel renvoient à un concept annoncé au fil du siècle, de John Locke à Mably, comme celle de souveraineté nationale à la pensée rousseauiste. Cette proclamation s'inscrit en contrepoint du système de valeurs de la monarchie absolutiste, qui prévalait donc sous l'Ancien Régime, même si sa condamnation n'est pas directement formulée, renvoyée par le préambule à l'ignorance et à l'oubli, voire au mépris des droits de l'homme. À ce titre, ce texte qui se veut intemporel s'inscrit dans la conjoncture précise de la crise politique et institutionnelle qui a sévi dans les dernières années de l'Ancien Régime, principalement depuis 1787, pour exploser dans les mois précédents à partir de la réunion des États généraux en mai 1789. S'il ne fait pas de référence directe à la révolution violente de juillet, l'allusion est sous-jacente dans la proclamation du droit de résistance à l'oppression. Enfin, la déclaration, loin de réunir l'unanimité, a fait l'objet d'un débat, où se sont affrontées les différentes composantes de l'Assemblée, d'où des silences et des réticences dans le texte de compromis final qu'il conviendra de relever. En effet, il est intéressant maintenant de passer aux commentaires de la déclaration. L'explication d'un texte aussi connu doit se garder, semble-t-il, de deux tentations ou de deux écueils. Une lecture trop paraphrasée qui s'en tiendrait à la littéralité du texte, un développement au fil des articles, car leur ordonnancement, du fait des conditions de la rédaction, est moins rationnel qu'il n'y paraît. Des thèmes s'imposent, menant d'une explication à des idées forces, à une lecture plus distanciée. Commençons tout d'abord par la philosophie de la Déclaration des droits. On relèvera d'entrée l'ambition de généralité d'une déclaration qui se veut universelle, et de tout temps, les hommes naissent et demeurent. On peut souligner la nouveauté de la démarche par référence aux déclarations des droits de la Révolution américaine. On élucidera, en les relevant au fil du développement, les concepts qui justifient cette démarche. Premièrement, les droits naturels inaliénables et sacrés, qui apparaissent dans le préambule. Deuxièmement, les droits imprescriptibles, à l'article 2. Troisièmement, le droit inviolable et sacré, c'est la propriété, dans l'article 17. Quatrièmement, la société ou l'association politique fondée sur l'utilité commune. Cinquièmement, la discrétion de la référence à un ordre transcendant, je renvoie au préambule, en présence et sous les auspices de l'être suprême, point discuté lors des débats préliminaires, et enfin, sixièmement, la volonté générale dont l'expression est la loi. La déclaration promeut les droits de l'individu, de l'homme, mais les inscrit dans le cadre de l'association politique qui en fait le citoyen. Abordons maintenant un second thème, un second sujet, les droits de l'homme, justement. Il est légitime de distinguer, comme y invitait jadis Jacques Gottschaux, les articles qui renvoient aux droits de l'homme et ceux qui concernent la nation. Les premiers sont développés dans les articles 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 et 17. Les seconds, dans les articles 3, 6, 12, 13 à 16. On doit souligner l'emphase mise sur la liberté dans sa définition générale et ses limites. Articles 2, 4 et 5. Mais plus précisément dans ses formulations concrètes. La liberté de la personne, articles 7, 8 et 9, est définie avec précision par référence à un état de droit qui souligne l'importance du consensus général contre l'arbitraire de la justice royale et reflète la nouvelle conception du droit telle que les juristes des Lumières, en particulier Cesare Beccaria, dans son traité des délits et des peines, publié en italien, l'avait formulé. On peut toutefois noter que les constituants ne vont pas jusqu'à la précision de l'habeas corpus à l'anglaise, donc qui datait du XVIIe siècle. La liberté de pensée, d'opinion et d'expression, proclamée aux articles 10 et 11, s'inscrit également dans le contexte de la bataille philosophique pour la tolérance et contre la censure. On remarquera toutefois la façon timide dont la liberté religieuse est introduite, en particulier à l'article 10. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Fin de citation. Passons maintenant à la modestie de l'affirmation de l'égalité. Elle figure certes à l'article 1, mais elle n'est développée, à l'article 6, que sur le thème de l'égalité devant la loi, dans le domaine judiciaire ou pour l'accession aux emplois, comme pour la perception de l'impôt. Article 13. Ce qui n'est pas rien, puisque c'est récuser la société d'ordre et les privilèges de la noblesse et du clergé. Mais l'inégalité sociale n'est pas mise en cause. C'est au contraire la propriété inviolable et sacrée qui est affirmée solennellement au dernier article. Ce qui ne tient pas dans une assemblée où les idées économiques et sociales des physiocrates sont largement diffusées. Enfin, passons maintenant au dernier thème, plutôt à l'avant-dernier thème, celui des droits de la nation. Il repose sur deux affirmations essentielles. La souveraineté nationale, c'est l'article 3. La volonté générale, c'est l'article 6. Mais s'il est naturel que la Déclaration des droits réserve au texte constitutionnel proprement dit les conditions de l'exercice politique de la citoyenneté, on doit relever qu'elle tient à affirmer comme un principe fondamental celui de la séparation des pouvoirs repris de Montesquieu, donc dans son fameux ouvrage « L'esprit des lois » qui date de 1748. L'extrait présenté passe sur les articles 12, 13, 14, 15, que l'on peut considérer comme secondaires, traitant de l'impôt, de l'armée et des fonctionnaires. On y trouve le même esprit de rejet de l'arbitraire et de contrôle des citoyens sur leurs mandataires. Enfin, dernier thème abordé, ou sujet, problème à régler, c'est qu'il s'agit d'un texte daté, produit d'un moment historique. Discuté dès le 9 juillet avant même la prise de la Bastille, ce texte est le reflet d'un moment historique très dense, d'un débat auquel ont participé les leaders d'opinion, Sieyès, Mirabeau, Mounier, Lafayette. L'opposition était vive entre les royalistes et ceux que l'on dénomme déjà les patriotes. On mettra en évidence, à partir des silences et des réticences du texte, ce qui tient au moment de son élaboration et le fait apparaître comme un compromis. Ainsi la place modeste que tient l'égalité ou la prudence dans l'affirmation de la liberté religieuse. Dans le groupe même des patriotes, l'ont emporté ceux pour qui liberté et propriété venaient en premier, et non les disciples de Rousseau pour qui la revendication d'égalité pouvait entraîner la limitation du droit de propriété. La Déclaration des droits illustre sans doute une étape de la révolution bourgeoise de 1789. Par la portée d'avenir des valeurs qu'elle proclame, elle reste un texte fondateur. Thank you. Petite revue de presse. Le climat, économiser l'énergie le plus efficace, le moins cher. 100% renouvelable, c'est possible. En France, parvenir à 100% d'électricité renouvelable aurait un coût comparable à celui du maintien du nucléaire selon l'ADEME, Agence pour de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le pays dispose d'un potentiel de production d'électricité renouvelable 3 fois supérieur à la demande électrique actuelle. En 10 ans seulement, la part d'électricité renouvelable en Allemagne est passée de 9 à 26% en moyenne annuelle, dépassant parfois 50% les jours ensoleillés ou venteux. Oui, j'ai expérimenté ça, nous avons expérimenté ça dans un camping au nord-ouest de l'Allemagne où le solaire et l'éolien remplissaient bien leur office. Depuis l'arrêt définitif de 8 réacteurs en 2011, aucun nouveau chantier de centrale à charbon n'a démarré et pas moins de 6 projets ont été annulés. Alors ici, emploi, un potentiel bien supérieur à celui du nucléaire. Avec 1,1 million d'emplois dans l'Union européenne, 7,7 millions dans le monde, les renouvelables y créent à elles seules 5 fois plus de travail que le nucléaire. Ah, créer du travail, diminuer le chômage. Hein ? Les politiciens, vous faites le nécessaire, parce que sinon, vous allez vous retrouver comme les Allemands en 1923-1933. Hein ? Eh oui, il faut agir vite, il faut agir efficacement. Alors qu'en France, AREVA planifie des milliers de suppressions de postes, en Allemagne, on comptait en 2013 quelques 1,2 million d'emplois dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Bon, alors il y a de l'espoir, hein, il y a de l'espoir. Oh oui, nos politiciens vont faire le nécessaire, vous verrez. Ben, comme ceux du passé et ceux du présent, ils nous ont toujours étonnés par leur action positive, constructive, bénéfique. Montureux sur Saône, l'écologie, le résistant Roland Thomas n'est plus. Roland Thomas, dernier maquisard du maquis de Grand-Rue et dernier survivant du camp de travail de Mulhdorf, vient de disparaître à l'âge de 101 ans. Très impliqué dans le devoir de mémoire, membre actif du comité départemental du concours de la résistance et de la déportation, concours de la résistance et de la déportation, il a participé à des conférences sur son vécu de résistant déporté dans les établissements scolaires lorrains. Autre chose, ce matin, du mercredi 26 juillet, diplomatie, 3 questions sur le retour des États-Unis au sein de l'UNESCO. Retour des États-Unis au sein de l'UNESCO. Bon. Guerre en Ukraine, l'armée russe abat 2 drones et prend du terrain. Oui, voilà. Alors, tiens, le chômage. Précarité. Les chômeurs marchent sur Paris. Dans le cadre de la marche nationale pour l'emploi, 11 chômeurs vosgiens à bord de 3 véhicules ont entamé une marche symbolique vers la capitale. C'était Liberté de l'Est du 26 mai 1998. Il y avait déjà du chômage en 1998. Et les choses ne se sont pas arrangées. Et les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir depuis n'ont rien foutu. Et ils vont s'en prendre plein la gueule. Eh oui, parce que les fachos, ils montent. Voilà, comme en Allemagne, 1923-1933. Le chômage en hausse. Le département comptait 13 330 demandes d'emploi à la fin janvier, soit 8,3% de chômeurs. Alors ça, Est Républicain du 5 juin 2002. Hein, vous voyez ? Voilà. Ah, ça évolue. Oui, les macronistes, les macroniens, etc., ils vont faire bouger les choses dans le bon sens. C'est sûr. Oui. À moins qu'ils ne cèdent la place à l'extrême droite. Chômage, plus 2%. Le chômage en Lorraine, évolution mensuelle en demandeur d'emploi. Oui, alors chômage. Donc, c'était le samedi 1er février 2003. Ça ne bouge toujours pas le chômage. Mais sur les politiciens, il va falloir vous remuer le moral, hein. Il va falloir vous secouer très fort. Miraculé, Heidi, raconte son lynchage par des policiers à Marseille. La fronde des policiers se poursuit après le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues marseillais soupçonné d'avoir violemment agressé un jeune homme début juillet en marge des émeutes. Alors les émeutes en question. Qui est à l'origine de ces émeutes, entre guillemets émeutes, et qui est à l'origine du développement de ce mouvement-là, qui est à l'origine de la fin soudaine de ce mouvement, hein, comme le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que par hasard ce n'est pas une opération de provocation, hein, favoriser le rabattement d'un certain nombre d'électeurs vers la droite ou l'extrême droite, par exemple, hein? Oui, voilà. Ah, quel beau pays, quel beau pays. Eh oui, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est en France. Eh oui, c'était en France. Il y a longtemps. Témoignage, je n'aurai pas les moyens de me payer une pompe à chaleur. Eh oui, pompe à chaleur. Qui doivent remplacer, paraît-il, le gaz. Hein, ben on verra ce que feront nos gouvernants, hein, nos politiques, nos politiciens qui nous coûtent cher parce que tous les mois quand même, hein, on leur donne une indemnité qui est supérieure à l'indemnité de chômage quand même, hein. Ah oui, oui. Moi je pense qu'il faudrait en prendre un au hasard tous les mois et le mettre au chômage pendant 3 mois avec des indemnités correspondantes bien sûr, de manière à leur faire comprendre ce que c'est que la vraie vie, hein. Oui. Qu'ils y goûtent à la vraie vie et qu'ils aient comme ça envie de se battre pour faire évoluer les choses, pour moderniser notre pays qui est en train de s'encrouter, de s'enfoncer dans le passéisme. Mendre et persévérer ou abandonner le dilemme des agriculteurs bio. Oh, oui, ça va pas être facile. Golbet, la sylphie veut être une solution aux problèmes agricoles. Alors c'est une plante que l'on sème une fois et qui va repousser toute seule pendant une quinzaine d'années. Voilà. Alors, ça va étudier, hein. À voir. Trottinette électrique. Quel danger. Le 14 juillet 2023, le premier accident mortel concernant un usage de trottinette électrique était enregistré dans les Vosges. Comme partout en France, le deux roues est de plus en plus plébiscité par les Vosgiens et son taux d'accidentologie est aussi en hausse. C'est pas la faute des fabricants de trottinettes. Ce n'est pas la faute des trottinettes. C'est la faute éventuellement des usagers de trottinettes ou des autres usagers de la route. Eh oui, parce que les accidents de trottinettes, ils se produisent parfois pas contre un poteau ou un arbre, mais contre un autre véhicule mobile qui respecte plus ou moins bien le code de la route. Eh oui. Bientôt une centrale photovoltaïque sur le toit de la patinoire à Épinal. Voilà. Jean-Luc Mélenchon, le dernier politicien humaniste. Humaniste. Politicien humaniste. Vous croyez que les deux mots vont ensemble, politicien humaniste? Eh ben oui. Lui, il est la preuve de. Incarner une voie de résistance face à l'égoïsme politique et aux inégalités grandissantes. Son parcours au service du peuple. Sa défense inlassable des droits de l'homme. Son plaidoyer pour l'équité sociale. Et sa volonté de donner une voix aux sans-voix témoigne de son dévouement envers les valeurs humanistes. Un autre personnage, prise illégale d'intérêt, justice. Dupond-Moretti sera jugé. L'actuel ministre de la Justice, soupçonné d'avoir profité de sa position pour régler des comptes avec des magistrats, sera jugé devant la Cour de justice de la République. Oh, oh, oh. Le ministre de la Justice juge face à la justice. Enfin, tous les recours de l'actuel garde des Sceaux pour ne pas aller en procès ont été rejetés par la Cour de cassation. Voilà. Eh bien, si la justice fait un bel exemple, tant mieux, ce sera bien. Ça fera beaucoup de bien à la justice et à la République en général. Eh oui, il y a un tas de gens dont il faudrait se débarrasser. Les mettre au chômage. Arbeitslos, disait l'autre, hein, celui qui a pris le pouvoir en Allemagne en 1933, qui est à l'origine d'une guerre mondiale qui a fait 64 millions de morts, hein, parce que les Allemands ont mal voté, et ils ont mal voté parce qu'ils étaient mal informés. Et les Français actuellement, ben, ils sont en général très, très mal informés. C'est pour ça qu'on a créé les radios libres, les radios locales et libres, il y a 42 ans. Le pouvoir d'achat des salariés au SMIC en augmentation. Le pouvoir d'achat des salariés au SMIC a assez fortement progressé entre 2017 et 2022. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ah, de qui se moque-t-on, hein ? grâce notamment à la hausse de la prime d'activité. Les chômeurs et les salariés, hein, prime d'activité. Tandis que celui des personnes sans ressources bénéficiant d'aide sociale a reculé. Ah oui, oui, oui, oui, eh oui. Mais il y a des salopards qui sont au pouvoir, un peu partout dans le monde, et en France, on est gâtés. Et le nombre de chômeurs, il diminue. Si vous ne faites pas diminuer le nombre de chômeurs de façon durable, radicale et rapidement, eh bien, messieurs les gouvernants, vous vous en prendrez plein la gueule, c'est sûr. Bon, nous aussi, parce que le fascisme, ça fait des dégâts partout, partout, partout. L'extrême droite, elle nous fera du tort à tous, à tous. Wow. Jolie cette fille, que pour elle tu